une histoire particulière. C'est le jour de la finale. La Coupe du Monde de rugby 2019 prend fin à Tokyo ce soir à 18h heure locale. Le 20 octobre dernier, l'équipe de France s'est effacée devant celle du Pays de Galles. Néanmoins, Bernard Laporte, l'ancien sélectionneur des Bleus, estimait que la compétition était réussie. Dans un tweet, il écrit « Je souhaite rendre hommage aux joueurs et au staff du 15 de France. Ils ont relevé le défi. » Puis, plus tard dans la presse, on pouvait lire « Je suis optimiste sur ce que j'ai vu. Cette équipe est jeune. 75% des joueurs seront là pour l'avenir. Et l'avenir, c'est le France-Angleterre du tournoi des Six Nations 2020. Et bien sûr qu'on a en ligne de mire la Coupe du Monde 2023 en France. » Tout de suite, Stéphane Bonnefoy et Vincent Deck reviennent sur l'âge d'or du rugby français. Et des fois, tu donnes de la force et tu sens qu'elle ne passe pas. Simplement parce que ton placement n'est pas bon. Parce que tu es un peu dessus, parce que tu rippes un peu, parce que tu es un peu latéral. Tu le sens. Reviens dans la position où tu pourras donner de la force. Vers jeu. Vie et petite mort du rugby français. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Vincent Deck. Première partie, au temps béni du jeu. Le rugby de mon enfance est mort en plein été, un jour d'août 1995. J'avais découvert ce sport une dizaine d'années plus tôt dans les tribunes du stade Marcel Michelin, un pré gelé et gras où évoluait l'AS Montferrandaise, un quartier populaire de Clermont-Ferrand où mon grand-père était né, près des usines Michelin. Mon grand-père, ouvrier aux usines Michelin, avait le sens du combat. Sans doute estimait-il que le rugby allait forger mon caractère et par-delà, mon identité politique. Il était un grand admirateur de la famille Herrero, tous joueurs de rugby, dont le père, Émile, était ouvrier agricole et joueur de première ligne à Puisserguy. Bon, je suis assez heureux que le papé ait eu quelques affections pour mon histoire. Daniel Herrero. Que tes anciens aient eu, en l'occurrence, un grand-père du milieu auvergnat autour d'un club de rugby assez mythique dans la région de l'ASM, Montferrand ou Clermont-Ferrand, n'est pas anodin de fait. C'est vraiment le prototype d'une pratique sportive liée au monde du travail. En général, d'ailleurs, le travail à ce moment-là, il est plutôt rude. En général, on est plutôt solidaire dans le monde du travail, de la rudesse. Et en général, les vertus du courage sont régulièrement stimulées, on dira. Être courageux, être solidaire, être dans le partage, être nombreux ensemble, faire en sorte qu'il n'en manque pas un à l'appel quand les affaires, des choses sont rudes. Je viens de te définir, de fait, là, à la fois l'univers du monde du travail de Michelin, en l'occurrence, et en même temps l'univers moral de Dame Ovalie, de fait. Et ton papé, il dit, chez Herrero, peut-être, il perçoit ça. Encore une fois, un comportement de stabilité serré, bien dans l'axe, ballon porté, ballon au chaud, les hommes qui se tiennent, qui poussent bien ensemble. Et ensuite, dès qu'il y a de l'air, on doit avoir des comportements de perforation. Dès qu'on avare, il a la balle, c'est un comportement de perforation. Il s'allonge, il accélère, il se baisse. Ça me plaît d'être avec des collègues, ça me plaît qu'on soit nombreux, ça me plaît que l'aventure soit rude, ça me plaît que derrière la rudesse, il y ait la tendresse, ça me plaît que la chaleur humaine qui se dégage de l'urgence du jeu, elle génère en même temps des convivialités fraternelles. Daniel, formé au rugby club toulonnais, était soudainement parti marcher sur les traces du Che en Amérique latine alors qu'une carrière internationale lui tendait les bras. Pour mon grand-père, nul doute que les valeurs de solidarité et de combat incarnées par le rugby résonnaient au cœur du militant. Mon père, le prolo, il va le lima le dimanche, il travaille au chantier de la Seine, tu vois, il est grutier, avant il était ouvrier viticole, c'est le rugby qui l'a fait venir à la Seine pour, on y trouve un boulot, enfin bon, il joue au club de 3e division, voilà. Moi, je grandis là, je vais acheter le Petit Varois, qui est le journal du pays communiste. J'ai le privilège dans ma famille d'être le seul, oui, de faire des études. Et quand j'arrive dans ma puberté, déjà j'ai mis le nez à la fenêtre, je suis capitaine d'équipe de France junior. À l'âge de 16 ans, 17 ans, je joue avec les grands de Toulon, dans l'équipe 1, tu vois ça. Mon excitation, ma turgescence affective et morale, tu vois, ne vient que du fait que je m'approche de l'élite. Ça c'est vibrant, quoi, tu vois. J'ai 20 balais, je suis né en 48, moi. Et puis, va-t'en voir que l'année de la flamboyance et de la vingtaine, tu vois, le pays de France se met en agitation. Mais alors, en agitation pour de bon. Je comprends pas tout, moi. Par nature, quand même, la rébellion est respectable. Et va-t'en voir que 68, le rugby part en vrille, pendant 3 mois on joue pas, mais avec l'équipe de Toulon on fait la finale, on arrive au bout, on perd en finale contre Lourdes, c'est en 68, et là, 2 jours après, je pars en Bolivie sur les routes du Tché. Je vais voir le Tché, j'ai la sensation, je pars. Je sais même pas où c'est l'Amérique latine, moi. Et je pars, je vais y rester 6 mois. Donc à partir de là, bouleversement dans ma vie, grosso modo, cette période-là m'ancre dans l'idée que le feu que j'ai autour de la balle ovale ne sera jamais éloigné du feu que je porterai à la compréhension des hommes, à l'aventure des hommes. Le jeu, à partir de ce moment-là, ne sera jamais qu'un seul et ordinaire prétexte à bien vivre avec mes frères. Série 3 ballons. Là, vous vous mettez en chasuble. Allez, en place. Désireux de marcher à mon tour sur ces traces, je m'essayais à la pratique du ballon ovale, sans grande conviction. Sans doute, la mémoire des matchs virils que j'avais pu observer au stade Michelin des années plus tôt, associée à une peur bleue de la maillotche, aussi bien qu'à un physique ingrat et à une absence totale de vision stratégique de ce jeu, eut raison de mon engagement en qualité de demi de mêlée. C'est loin de la pression populaire et familiale que mon amour pour le rugby décupla, grâce à la télévision, sous les assauts rhétoriques de Roger Couder et le flegme gaulien du landais Pierre Albaladieu. Je vous le dis, ça c'est du rugby. On croyait qu'ils étaient morts, ils revivent. Regardez cet homme. Pêle-mêle, les seigneurs de ce sport se nommaient alors Jean-Pierre Rive, dit Casque d'Or, le maillot bleu, blanc et toujours maculé de sang. Serge Blanco, l'imprévisible, capable de mystifier à lui seul l'hémisphère sud. L'Escarboura, dit la bombarde, ou Lorieux, le pompier, né à la tronche. Et bien sûr, Daniel Herrero, devenu entraîneur et champion de France en 1987 avec le RC Toulon, le père de tous ces insoumis avec son bandeau rouge ceint autour du front et qui, mon grand-père me l'avait rabâché, avait été privé de la finale du championnat de France 1968 par son club, pensait donc Toulon affronter Lourdes pour avoir caillassé un véhicule des forces de l'ordre. André Boniface, Rancoul, Donac, Domenech saute et Domenech. Messieurs, c'est un essai historique. La balle a été touchée par 14 mains différentes. Eh bien, après ça, on peut mourir. Au rugby, l'offense, quand on pouvait vous faire autrefois, c'est quand on vous disait que vous étiez personnel. C'est-à-dire que le joueur gardait le ballon pour lui. Et ça, c'est une éducation qu'on a eue à la base. André Boniface, joueur de l'équipe de France des années 60. L'important dans sa tête, c'est de penser qu'on a un partenaire à côté et à lui donner le ballon dans les meilleures conditions possibles. L'important, c'est de faire une passe, qu'il y ait une continuité de jeu. Le moteur activant numéro un dans la chose, c'est le jeu. C'est le ludus. C'est la morale de la légèreté, de l'initiative multiple, de l'engagement. Voilà, le jeu. Ceux qui ont inventé le jeu, grosso modo, je dirais, la couche maçonnique anglo-saxonne, ceux qui ont inventé le jeu l'ont inventé à partir de l'exclusive morale du jeu. Le jeu, c'est pour le travail, collègue. Le jeu, c'est pour passer une belle jeunesse. Le jeu, c'est pour construire ta jeunesse. Le jeu, c'est pour libérer ton goût d'entreprise. Le jeu, c'est pour libérer la gratuité de l'action. Rien de ce que tu feras ne sera capital pour le destin de la planète, petit frère. Sois tranquille. Hein. Tu vois, le jeu porte ça. Et jusqu'en 70, on dira, ces années-là, depuis la naissance, c'est-à-dire depuis 1820, le jeu n'a pas bougé. Il est donc amateur, seuls ceux qui l'aiment y jouent. Amateur, jamais il deviendra professionnel. Il y a quelques filous qui se filent 50 balles derrière l'église, qui commencent à envisager que pour aller jouer de Bayonne à Toulon, peut-être on te filerait 100 balles pour que tu achètes la machine à laver à ta mère. Ou vraiment, tu vois, on voit des mécanismes qui sont déjà ancestraux. Chez les Français, interdiction. Et le rugby sera quasiment la dernière pratique sociale, sportive de haut niveau qui restera jeu. Et si tu te prends pour quelqu'un d'autre que tu veux gagner des thunes, tu frigo, tu rentres chez toi. Tu vas cirer les pompes à ton patron pour essayer de gagner des thunes, ou même tu vas essayer de le devenir, collègue, allez, roule. En rien, le jeu ne pouvait être autour d'un intérêt à caractère économique. Il n'était que sur des intérêts moraux. Il n'était que sur des intérêts de joie de vivre. Tout est permis, d'après moi, dans l'attaque. Il faut avoir ce petit côté fanfare la tulipe un peu, hein, si je puis dire. Et bien, il faut partir de temps en temps. On se dit, tiens, là-bas, ils sont deux, nous on est trois, et bien, on va les attaquer. Joe Mazo, prince de l'attaque, 1974. Je crois qu'en plus, le spectateur attend ça du jeu de rugby. Hein. Le spectateur vient pour avoir des émotions et l'attaque apporte ses émotions. Et nous Français qui avons en plus ce côté un peu fleur bleue et fanfare la tulipe, il faut le garder, c'est ce qui fait la différence avec tous les pays anglo-saxons. Moi, ce que je voulais, c'était être heureux sur un terrain et rendre les gars qui étaient à côté de moi heureux. Le jeu français, c'est le jeu d'attaque. Je me souviens des 27 secondes d'histoire qui m'ont définitivement lié à ce sport. Petits et gros, grands et laids, ouvriers agricoles et ingénieurs, tous unis dans un même mouvement. C'était le 3 juillet 1994 à Auckland. 15 hommes tout noirs face à 15 bleus. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire, les Blacks mènent de 4 points lorsque l'arrière néo-zélandais tape un coup de pied de dégagement qui retombe 50 mètres plus loin dans le camp français. Philippe Saint-André s'en saisit et transperce le premier rideau noir. Saint-André pour une relance. Philippe Saint-André pour une relance. La balle est pour les Français. Voilà, ça repart. Ça repart, il y a le surnombre. Il y a le surnombre, Benazi. La passe pour Tamac. Il y a Philippe Sela là-bas. Il y a Cabane. Il y a Deleg. Et il y a peut-être un essai au bout, ben oui. C'est le seul. C'est le seul de la finale. C'est le seul de la victoire. Essai de Sadourny. Et l'équipe de France gagne le match. Mais si on essaie de tout se protéger. C'est un exploit historique, voilà. Et bien, c'est inoubliable. Ah, c'est énorme. C'est l'essai du bout du monde, The Try of the Century, rumine-t-on encore dans l'ovalie anglo-saxonne. Avancer vers la ligne de front adverse en servant son camarade par l'arrière, pour signe de son humilité, souveraineté de sa force. J'ai toujours regretté que l'État ne m'impose pas de jouer une saison dans un club de rugby plutôt que de m'enfermer 12 mois pour raison de service militaire. Avec cet essai du bout du monde, il se jouait quelque chose d'un joyeux désordre, dont l'organisation tenait autant à l'esprit de corps d'une équipe qu'à une stratégie de tableau noir. Un essai d'un autre monde, celui de l'amateurisme, qui un an plus tard, au mois d'août 1995, allait résonner comme un chant du cygne. Bon, grosso modo, il y a des petites inséminations, il y a des métastases qui naissent au milieu du XXe, essentiellement d'ailleurs sur la terre de France, même un peu les British quand même. Enfin bon, on sait la pression du champ économique le jour où la médiatisation commence à enfler, grosso modo, quoi, les années 60, 70, ça va mettre 20 à 30 ans. Le bouleversement aujourd'hui, c'est que grosso modo, autour d'une seule idée, GEU à travail. Voilà. Le jour où on est passé du jeu vers le travail, le bouleversement a été colossal. Il était peut-être temps que ce sport grandisse, qu'il sorte de ses dessous de table, de son accent trop rugueux, parlé de Lourdes à Bédarieux, et que vienne le temps du professionnalisme. Exit donc l'ère des fourchettes, des cravates et autres plaquages torpilles, des premières lignes gras comme des bouchers grillant dans le vestiaire à l'heure d'aller au combat une dernière gitane. Dans ces années 80, marquées par l'entrée massive de l'argent dans le sport, la libéralisation des chaînes de télé pourvoyeuses de spectacles, le rugby des champs, des amis et des gros bourgs du sud-ouest étaient menacés. En 1984, Canal+, futur diffuseur du rugby français, faisait son apparition dans le paysage médiatique. Cette même année, les Jeux Olympiques de Los Angeles faisaient disparaître le mot « amateur » du serment des athlètes. 3 années plus tard, la première Coupe du monde de rugby était organisée en Nouvelle-Zélande. Le rugby part à la conquête de la planète, sous l'étendard de la France, dont le jeu flamboyant échoue en finale contre les indétrônables All Blacks. Et tu comprends bien qu'avec la première Coupe du Monde, c'est fini. 87, la cocotte minute explose. Ça y est, waouh ! Coupe du Monde, grand rendez-vous mondial. La France fait la finale. Déjà, en 87, on gagne pas mal de thunes. Par exemple, je ne sais pas, moi j'étais prof à ce moment-là, j'étais entraîneur, je gagnais le double du salaire de mon salaire de prof, par exemple. Bon, et quand même, je vois les joueurs de l'époque, un avait un bar à lequel on avait prêté quelques émoluments, et on le disait cabaretier, limonadier. Les rugbymen étaient ou limonadiers, ou quelques-uns les plus éduqués, mais il n'y en avait pas beaucoup, des magasins de fringues, tu vois, à peu près. Voilà, c'est-à-dire qu'on installait l'élite dans un petit commerce au centre de la vieille ville de Carcassonne, de Limoges. Ça, c'est 87, 7 ans après le professionnalisme. Voilà, tous les temps avant, depuis l'après-guerre, l'élite gagnait un peu d'argent. De fait, sois tranquille, le professionnalisme a tué simplement la poésie. Voilà. Ce que j'aimais, c'était de voir en short des corps mal taillés pour le sport, la brioche débordant sous un maillot toujours trop court. Les piliers des années 80 poussaient fort en mêlée et ne couraient pas avec panache, balle en main, comme aujourd'hui. Leur tâche était autrement plus sombre. Après une mêlée, ce lieu de tous les mystères, ils marchaient de longues minutes les mains sur les hanches pour retrouver leur souffle, pareillement à des équarisseurs découvrant leur proie leur échapper au loin, dans un dernier sursaut. Les regroupements au sol ressemblaient à d'épaisses partouzes ou à des matchs de poussins, à chacun sa vision. Ces mêlées, entrevues désormais comme des temps morts et donc intempestives, plus fantasmagoriques que spectaculaires, il est vrai, sinon pour ceux qui s'y épanouissaient in vitro, avaient le mérite d'ouvrir des espaces aux gibiers qui patientaient à l'arrière. Pendant que les gros peinaient à se relever, souvent précédés par les deux et troisième lignes, des sortes d'assassins silencieux qui œuvraient dans les zones obscures des dix regroupements, les phasmes des lignes arrières, qui observaient jusque-là ces ébats non sans lâcheté, d'étaler vers l'embut adverse. Ce qui a permis ce jeu de mouvement, d'évitement, ces fastueuses envolées qui ont porté le 15 de France au sommet du rugby mondial. Pourquoi le jeu lui-même a à ce point évolué ? Grosso modo, il va avoir un truc fétide, la médiatisation, c'est-à-dire, en d'autres termes, il faut faire grandir le potentiel de profane. Mais le profane, lui, il aimera probablement voir la balle plutôt que jamais la voir. À ce moment-là, les législateurs vont mettre en place un process qui va durer 2-3 ans, qui continue encore aujourd'hui, de « il faut qu'on voit la balle tout le temps ». Il ne faut plus qu'on l'enterre, on disait à l'époque. Il ne faut plus qu'elle soit au cœur des molles. Nous, on l'a cajolé à 8 contre 8, on se bourrait le mot, on adorait. Quand il n'y a que des tas de mecs qui se bourrinent le melon à l'ancienne, puis alors, c'est pas forcément le plus... Mais l'initié boit une petite goutte de scotch. Il se met une moussette quand il voit un gros molle à l'ancienne ou que les mecs couinent. Il a du goût à ça. Non, il ne faut plus. Parce que là, les mecs dorment, les mecs baillent. Et à la sortie, il faut faire sortir la balle des regroupements. On a inventé 7 ou 8 lois en 2001, 2002, 2003, 2004. Des lois, papa. Si tu plonges sur la balle, c'est foutu. Si tu arrives sur le travers, c'est foutu. Si tu l'étouffes, c'est foutu. Si la mêlée s'écroule, c'est foutu. Sur un secteur du jeu, là où il y a blocage, il faut que la balle vienne vite. À partir du moment où ces lois ont commencé à faire leurs effets, la balle sort vite. Mais où ils vont les mecs, là? Les 15 qui venaient batailler comme des bourricots, ils vont où? Ceux qui venaient pointer à l'angle majeur et référent de la gloire qui était au cœur du combat. Toi, tu étais un petit pilard de 3e division, mais dans le match, il fallait que tu te fasses quand même tes 15 ou 20 molles. Si tu venais pas en molles, qu'est-ce qu'il fait ? Il papillonne. Il vient pas au cœur de l'aventure, il papillonne. Il se prend pour qui ? Il pense à sa gonzesse. Enfin, tu vois, tous ces mots-là étaient devenus équivoques sur la morale du jeu. Et là, les ballons sortent vite. Si les ballons sortent vite, les 15 mecs qui venaient s'entasser, ils se mettent où ? Ils se déploient. Et donc maintenant, on a 10, 12, 13, 14 mecs. Il n'y a plus d'espace. Tu perds la balle, muraille. Et on voit arriver, la grande modification, c'est que la muraille génère, un, la catapulte, et deux, mais alors, le, comment on l'appelle, le bélier. Le bélier, la psyché du bélier, Chabal. Et nous arrive le bélier. Chaque équipe va inventer des béliers. Et le bélier va générer un type de gonde, il faut qu'il soit confus dans le muscle. Confit. Il met les colliers horizontales, il a des gigots comme ça, il fait une passe tous les 6 mois. Tu le vois, le bélier ? La psyché du bélier a amené le rugby dans l'univers des ténèbres. Carter avec un énorme topo de Sébastien Chabal sur Massoé. Ah, il n'y a plus de voyage à vide. Et puis alors, il a fait mal. Ah, le bélier. Cet emblème d'un rugby de destruction. Exit donc ce jeu de main que nos ennemis nous ont envié. Et parmi eux, les pires, les Anglais. Ces maîtres passifs de la chandelle, rois rébarbatifs du jeu au pied, qui ont humé notre attitude fantasque sans jamais parvenir à la copier. Notre fameux French flair. Cet art de sortir du cadre, d'imposer collectivement sa puissance sans se départir du lyrisme du joueur latin. Dans ces années dites d'amateurisme, on savait préserver ses instincts, un souffle de liberté que les systèmes de jeu du professionnalisme ne manqueraient pas de tuer. Le rugby, à l'instar de tant d'autres activités humaines liées au monde du travail, n'a pas raté le tournant gestionnaire de la fin des années 90. Moi, par exemple, quand j'avais le ballon sur un terrain de rugby, 95 fois sur 100, je faisais à peu près ce que j'avais envie de faire, si c'était bien ou pas bien, ça on pouvait discuter, tu vois. Aujourd'hui, je lisais ce matin avant de venir l'analyse de quelques Français qui ont battu les Tonga petitement il y a 2 jours. On a bien fait le job, de toute façon. J'ai déchiré le journal. on a bien fait le job. Qu'est-ce qu'il me raconte, ce joueur-là? Ce joueur, je ne l'appelle plus joueur. Je l'appelle travailleur. Qu'est-ce qu'il me raconte, ce travailleur qui me dit qu'il a bien fait le job dans le monde du sport, dans le monde du rugby? Aujourd'hui, dès 95, 97, 99, pro, ils font plus que ça. Ils vont s'entraîner 3 fois par jour, 4 fois par jour, 6 heures par jour au stade, 2 heures de muscu tous les jours de l'année, 365 jours sur 20. Ils vont doubler de volume. Et tous les paramètres vont être presque essentiellement sur les choses analysables, objectivables. Le travail donne du muscle, le travail donne du poumon. Et c'est autour de ça. Qui plus est, la science, tous les secteurs scientifiques, ouah, ça envahit le monde du jeu. Oh putain. Et là, on voit arriver tranquillement, de 2000 à 2012, on voit l'industrialisation des comportements. La robotisation, au sens propre, la présence des nouvelles technologies dans le monde du jeu. Tu sais, ça fait 7 ou 8 ans qu'ils ont le GPS dans le dos. Bon, grosso modo, on voit putain, l'envahissement des scientifiques, de fait. La fin finale de la sensibilité. La fin finale de la créativité. La créativité, ça veut dire... Les joueurs, quel que soit le numéro qu'il a dans le dos, t'as le numéro 1 et le numéro 15, ils font pareil sur le terrain. C'est-à-dire, toi, t'as le numéro 1, tu vas à la percussion, tu libères. Et le numéro 15, il fait une relance, il va à la percussion, il libère. Il percute, il libère. Ah bon. Et le numéro 3, il percute, il libère. Tous font pareil. On percute la défense, on la concentre pour essayer de trouver des espaces latéraux et on la percute plusieurs fois. C'est le passage d'une pratique adaptative où on fait sur le terrain en fonction de ce qu'on voit de l'adversaire à une pratique totalement normalisée. Alors, l'ordre, la méthode, le dogme génère quand même la répétition, le stéréotype, l'ennui, le sobre, l'économe, le prudent, le rat, l'envahissement du rat. Le rat dans le sens du peigne. Ce sport allait devoir se défaire de son identité pour entrer dans le monde moderne, penser pour l'efficacité économico-médiatique. Car le spectateur en veut, nous dit-on, pour son abonnement. Et le jeu a perdu de sa superbe, de ses excès. On n'attaque plus pour gagner, on défend en ligne, comme à l'armée pour ne plus perdre. Le rugby du XXIe siècle, c'est se dévoiler sans risque, clôturer tous les espaces. Les quelques tempéraments fantasques qui ont gardé la mémoire de ce que fut ce jeu sont instamment priés de s'épanouir dans ce carcan. Soit les quelques centimètres carrés d'herbe fraîche laissés en jachère par l'adversaire. On a sacrifié tout ce qui ressemblait à une envolée, une communion, une occasion pour le spectateur de s'évader, de fantasmer. D'où ça vient que sur à peu près un siècle, le 20e jusqu'à 2002, le 20e, le rugby de France a une espèce de constance. Le rugby de France. Mais avant d'analyser le rugby de France, analysons le rugby du monde. Les Gallois ont un jeu identitaire. Les Sud-Africains, ce sont des Afrikaners venus de La Rochelle ou bien sûr de La Haye en Afrique du Sud au XVIIe siècle. Ils se sont tabassés comme des poulpes. Ils ont généré une espèce de population blanche que tu te demandes comment ils sont faits. Quand ils ont soif, ils pressent des pierres et ils mangent des noirs. Bon, ça a duré 2 siècles. Non mais tu vois, elle a cette psyché-là. Et donc eux, le jeu de rugby, il n'est qu'un jeu d'autoritaire. Il n'est qu'un jeu de gaillardasse, de méchant comme la Galle. Et nous, on a une constante. Nous, il faut que tu sois créatif. Mais en même temps, il faut que tu t'occupes des collègues. Nous avons toujours glorifié le bordel. Une espèce de glorification du désordre. Une espèce de goulayant et d'aptitude à générer des surprises dans le bordel. Et là, alors, quelques fleurons nous ont mis la turgescence définitive. Dans les années d'avant-guerre, un mec qui s'appelait Daugé, qui s'appelait Servol. Dans les années d'après-guerre, les Boniface. Après Codorniu, après Charvet, après Cella, tu les vois tout cela là. Ces joueurs, d'un type de joueurs, classieux. Le bordel a généré nos fleurons. L'anglais, quand il nous voit jouer, il dit oh, putain, eux, ils ont un truc, ils sentent. Ils ont le flair. Ils sentent. Ils sentent le jeu. Ils ont cette capacité à flairer le jeu, quoi. Et ça, c'était la signature. On s'irritait de l'anglais méthodique qui faisait que des chandelles, et l'anglais nous jetait un peu l'anathème sur notre bordel permanent, sur notre capacité, sans doute à faire des trucs un peu poétiques, jolis, spectaculaires, mais un tantinet un peu... Égoïste, c'est pas le mot. Narcisse. Un petit goût, quand même. Tu vois ça? C'est ça, le rugby de France. Le dernier grand, Blanco. Le dernier grand, il y en a 90, il n'y en a plus. Il n'y en a plus un. Il n'y en a plus un qui, à un moment, a dit, oh, il est beau. Et les l'essai de Sergio Blanco entre les poteaux extraordinaires, les Français qui reviennent complètement dans le match. C'est une chose étrange que d'entendre aujourd'hui les commentateurs sportifs réclamer l'orgie de jeu de naguère. Alors que les enjeux financiers, exacerbés par l'explosion des droits télé, n'ont cessé d'encourager un rugby de la peur, restrictif, plus dangereux et ennuyeux qu'autrefois. Comprenne qui pourra la philosophie de ce rugby spectacle, mené désormais par de puissants hommes d'affaires. On saupoudre un peu de sa fortune pour s'identifier à des valeurs de combat et de solidarité et acquérir une notoriété nationale. Le président du Montpellier Hero Rugby a dépensé quelques menus millions d'euros pour faire de son club une sorte d'équipe bis de l'Afrique du Sud. Parfait inconnu jusque-là, l'entrepreneur en a profité pour annoncer sa candidature aux prochaines élections municipales. Au club de Clermont-Ferrand, on déracine dès l'adolescence des joueurs fidjiens dans l'espoir de les voir s'épanouir à l'ombre du Puy de Dôme. Le championnat français est un Eldorado sans âme qui brise les rêves de jeunes joueurs issus des centres de formation français. Curieuse époque d'un rugby en pleine schizophrénie, où l'on regrette que nos héros ne soient plus français et que notre équipe nationale se trouve dépourvue d'une identité de jeu. Lâche, Hugo, lâche. Oh, vous l'avez mis. Où vous l'avez mis, ça? Où vous l'avez déposé au fin fond de votre âme? Pourquoi plus personne aujourd'hui n'appréhende le jeu à partir de cette valeur colossale qui est l'enthousiasme est toujours mieux que l'or. À partir de cette valeur morale transcendantale, c'est que le rythme génère la joie et la méthode génère la nuit. Et très vite, regardez le travail de Pauline Bourdon qui va accélérer le jeu et qui va réussir ensuite à libérer... Pour nous sauver dans ce monde ovale, ne reste plus qu'à compter sur les rebonds capricieux du ballon. Et quant à ceux qui considèrent avec moi que le hasard ne saurait faire loi, nous pouvons regarder droit dans les yeux les joueuses de rugby. Là où bat l'âme vivante du rugby français, amateur et d'élite, tout en art d'évitement, d'un état d'esprit sans faille et d'un sourire qui émeut aux larmes. Le rugby féminin est l'avenir de l'homme. Depuis 7 ou 8 ans, le rugby féminin a conquis des lettres de noblesse par le jeu, 27 novembre 2018. Où ce jour-là, l'équipe de France de rugby masculine joue contre l'Argentine à Lille, un match piteux que les Français gagnent mais en faisant un rugby pourri. Et l'équipe de France féminine bat les All Blacks à Grenoble devant 27 000 personnes, tu vois, en faisant un match absolument magnifique. Et les All Blacks sont champions du monde 3 fois d'affilée, quoi. Grosso modo, le rugby féminin sur la terre de France, ce jour-là, a été plus performant, plus ludique, plus joueur. Le souffle porté par le rugby féminin, oui, il est bon. Messieurs, ce qu'elles viennent de réaliser ce soir, c'est magique pour le rugby féminin, c'est magique ce qu'elles viennent de réaliser. Elles ont battu les championnes du monde. Quel match et de quel match. Au temps béni du jeu, fin de la première partie, avec Daniel Herrero. Attaché de production, Daphné Abgral, avec la collaboration de Suzanne Saint-Cast. Archivina, Denis Forger. Prise de son, Romain Luquiens. Coordination, Christine Bernard. Merci au Rugby Club de Drancy. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Vincent Deck. Demain, je vous retrouve à 13h30 pour la suite du documentaire « Vie et petite mort du rugby français ». Mais pour l'instant, à 14h, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Antoine Guillot.